Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 20. De l'amour de Dieu. Dieu aime tous les êtres, également sous un rapport, inégalement sous un autre. 1. Y a-t-il amour en Dieu? Saint Jean dit, Dieu est tout amour. 1 Épître 4, 16. L'amour, qui est le premier mouvement de la volonté, en est comme la racine et le principe générateur. On désire, on veut le bien qu'on aime, on se plaît dans le bien qu'on aime, on ne hait que ce qui s'oppose au bien que l'on aime, partout où il y a volonté il y a nécessairement amour. Dieu a la volonté, donc il a aussi l'amour. Note. Aimer, c'est vouloir du bien. L'amour tend tout à la fois vers le bien que l'on veut et vers l'être à qui l'on veut du bien. Le bien que Dieu se veut n'est autre que lui-même, mais, quand on aime quelqu'un, on lui veut du bien comme à soi, on désire son bonheur comme le sien propre, on en fait un autre soi-même en s'identifiant avec lui. Tel est l'amour de Dieu pour ses créatures. L'amour, toutefois, n'est point en lui une passion. Il est un acte pur et simple de sa volonté. Fin de la note. 2. Dieu aime-t-il toutes les choses? Le sage a dit, vous aimez tout ce qui est, et vous ne haïssez rien de ce que vous avez fait. Sagesse 2, 25. Tout ce qui existe est bon sous le rapport de l'existence même, l'être est un bien, et ses perfections sont un bien. Or, si les choses ont l'être et quelque bien, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc Dieu veut du bien à toutes les choses. Mais vouloir du bien, c'est aimer. Par conséquent, Dieu aime toutes les choses qui existent. Note. Il aime les créatures raisonnables d'un amour d'amitié, il aime les créatures irraisonnables pour les créatures raisonnables, afin de manifester sa bonté et de nous faire du bien, il aime les pécheurs comme êtres, parce que, comme tels, ils existent par lui. Fin de la note. 3. Dieu aime-t-il tous les êtres également? Dieu, dit l'évêque d'Hippone, saint Augustin, aime tout ce qu'il a fait, mais il aime davantage les créatures raisonnables, et, parmi celles-ci, les membres de son Fils, et principalement son Fils lui-même. Sous le rapport des actes plus ou moins intenses de la volonté, Dieu n'aime pas ceci plus que cela, il aime par un acte pur et simple. Mais, en tant que l'amour se mesure sur le bien voulu à un ami, il aime certains êtres plus que d'autres. N'est-ce pas, en effet, son amour qui produit la bonté des créatures? Or, nous voyons que les unes ont plus de bonté que les autres, il aime donc plus celle-là que celle-ci. 4. Dieu aime-t-il toujours davantage les meilleures créatures? Je réponds affirmativement, car si quelques-unes sont meilleures que d'autres, c'est qu'il leur veut plus de bien, conséquemment il les aime davantage. Note. Dieu a aimé le Christ, non seulement plus que tout le genre humain, mais plus que toutes les créatures réunies ensemble, il l'a livré, il est vrai, pour le salut des hommes, mais son abaissement, loin de ternir sa gloire, lui a fait, au contraire, remporter le plus beau des triomphes, puisque, du jour de sa mort, il a été proclamé Dieu par tout l'univers. Que, si, dans le mystère de l'incarnation, la nature humaine a été plus favorisée que la nature angélique, ce n'est pas qu'une nature coupable fût préférable à une nature innocente, mais c'est que nous avions plus besoin de secours que les anges. Le bon père de famille donne à son serviteur malade ce qu'il n'accorde pas à son fils plein de santé. Quant aux pénitents et à l'innocent, ils sont aimés en raison de la grâce qui est en eux, mais, Toute chose égale d'ailleurs, l'innocent est meilleur et plus aimé. Et s'il est écrit que le ciel a plus de joie dans la conversion d'un pécheur que dans la persévérance des justes, c'est que souvent le pécheur se relève plus fervent, plus humble, moins présomptueux. Le soldat que le général préfère sur un champ de bataille, c'est celui qui, après avoir lâché prise, retourne courageusement à l'ennemi et le serre de près. Après tout, ce serait un jugement téméraire et présomptueux que de vouloir décider, par exemple, qui des apôtres ou des saints a été le meilleur, Dieu seul pèse les esprits. Proverbe 14, 2. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.